juste le temps d'un souvenir. Un souvenir. Tu sais c'est quoi mon rêve, c'est retourner dans le passé. Impossible de l'exaucer, même si je serais blindé. Car l'argent ne fait pas le bonheur, non mec, elle y contribue. Mais mes comptes à découvert, mais en nous ce qu'on a perdu. Les vieux sons de mon père sur tournée disque m'ont bercé. Il me parlait, j'imagine mon grand-père jouant au tiercé. Il me dit qu'il était menuisier, qu'il a tout fait de ses mains, qu'il a démonté une usine pour leur offrir le meilleur lendemain. Il me raconte ses 20 ans de la rencontre avec maman. Petit, dès que j'ai vu cette fille, j'ai dit c'est la merde mes enfants. Il me dit qu'avec les femmes, non, c'était pas si compliqué. Tu l'invitais à danser, ça suffisait pour l'emballer. Avant y'avait pas de boîte, non, on appelait ça les balles. L'entrée c'est 10 euros, en 80 c'était 10 balles. Nous en tube surtout, ouais, surtout sur les globes. Le paquet 10 des Français, tout ça a changé depuis cette époque. Depuis l'époque du prix, où tu rentrais à 4 grammes. Depuis l'époque du prix, qui n'en faisait pas tout un drame. J'aurais voulu voir tout ça, j'aurais voulu vivre tout ça. Un retour vers le passé, je crois qu'on voudrait tout ça. Tu sais c'est quoi mon rêve, c'est retourner dans le passé. Impossible de l'exaucer, même si je serais blindé. Car l'argent ne fait pas le bonheur, non mec, elle y contribue. Mais mes comptes à découvert, mais rends-nous ce qu'on a perdu. Une pensée à ma grand-mère, j'ai sa photo dans ma tête. Les deux mains dans la terre, tous les dimanches c'était la fête. Je me rappelle avec mes cousines des balades dans le village. C'est difficile à dire, mais depuis ce temps on a pris de l'âge. Je me rappelle les fêtes géantes après la ramasse des foins. Je crois bien que tout ça me manque, c'est pour ça que je mets pas tant du foin. Depuis que t'es parti, mais tu sais ça a changé. C'est vrai que tout le monde s'aimait, mais putain ça a changé. C'est plus pareil, tu sais, nos familles se déchirent. Mon père s'est mis à tousser, je crois bien que ses poumons se déchirent. Je m'endors le soir avec la peur du lendemain. Peur de perdre espoir et que personne ne me prend la main. Comme le faisaient les vrais amis, il y a 20 ans de ça. Les souvenirs de mes parents, ouais, ne parlent que de ça. Moi, tous ceux d'enfance, la plupart m'ont déçu. J'ai sorti des mouches de la merde qui sont venues me chier dessus. Tu sais c'est quoi mon rêve, c'est retourner dans le passé. Impossible de l'exaucer, même si je serais blindé. Car l'argent ne fait pas le bonheur, non mec, elle y contribue. Mais mes comptes à découvert, mais rends-nous ce qu'on a perdu.